Nous parlons de la culture manga ce soir dans cette deuxième partie d'Escale Estivale avec Nadia Gibert de chez Casterman et Julien Bastide, journaliste spécialisé dans le genre. Alors le principe du manga, Julien, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les publics. Il y en a beaucoup sur la table, je vous en ai amené quelques-uns, on va dire. On a dû venir avec un chariot. Alors il y a Osamu Tezuka qui est vraiment le pilier, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui donne naissance au manga moderne. En fait, il est influencé par Walt Disney et puis il produira Astro Boy ou encore Princesse Saphir. Là, dans les mains, j'ai Uniko. C'est l'histoire d'un petit... ce personnage. Petite licorne. Une petite licorne. Voilà. C'est important. C'est un auteur très important. C'est l'auteur central, si vous voulez. Il y a un nom à retenir pour l'histoire de la bande dessinée japonaise, c'est lui. Hein. Osamu Tezuka, c'est quelqu'un qui est effectivement né à la fin des années 20, commence à faire de la bande dessinée en 1944-45, et il va vraiment révolutionner la bande dessinée japonaise qui existait déjà avant, mais lui il va apporter plusieurs innovations, il va apporter un style de dessin assez neuf qui lui vient des dessins animés américains. Donc on se pose tout le temps la question pourquoi les personnages ont des grands yeux, etc. dans les mangas. C'est parce que on se dit mais c'est parce que les Japonais ont honte d'avoir les yeux bridés, ils veulent ressembler aux Occidentaux. Rien à voir, simplement Osamu Tezuka adorait les personnages de Disney, Bambi avec ses grands yeux, tout ça. Et c'est pour ça, point à la ligne, c'est une convention. Donc Tezuka apporte cette convention, et il apporte aussi ses récits très très longs, ses récits à rebondissements, ses récits d'abord pour enfants, ses récits d'aventure pour enfants, et au fur et à mesure que son public va vieillir, il va aussi aller dans d'autres directions. C'est quelqu'un qui jusqu'à la fin de sa vie n'a cessé d'expérimenter. 40 ans de carrière, 150 000 pages de bande dessinée. Et puis, il y a les auteurs qui font du manga pour adultes. Hein. C'est vrai qu'en Occident, en tout cas, on a parlé des mangas parce qu'il y avait des ouvrages pornographiques, érotiques. Je parlais tout à l'heure de Love Story, qui s'adresse aux jeunes adultes, puisque c'est l'histoire de deux personnages de 25 ans qui sont vierges, qui apprennent à faire l'amour. Et on a vraiment des détails, hein. des schémas même de pénétration. Enfin, c'est très explicite, c'est presque éducatif. Oui, c'est éducatif, vous pouvez le dire. Hein. C'est un ouvrage éducatif. Mais bon, sous l'angle quand même de la fiction, c'est un récit où on s'amuse quand même. Hein. Mais voilà, typiquement, c'est, si vous voulez, il y a quelque chose qui est très simple à comprendre pour les mangas, c'est l'âge du capitaine. C'est-à-dire que vous voulez savoir à quel âge le manga se destine, vous regardez quel est l'âge du personnage principal. Donc d'accord. Là, vous l'avez dit, c'est d'accord. Des jeunes adultes. Alors, il y a aussi d'autres mangas qui sont un peu plus violents. Rainbow, par exemple, qui a l'air assez connu. Eureka, qui est assez violent aussi. Pour quelle raison est-ce qu'il y a cette image de violence qui est assez récurrente quand même, même si chez vous, Nadia, il y a des ouvrages qui n'ont rien à voir avec la violence, hein, qui sont très bien dessinés, qui sont très élaborés dans l'histoire. Mais l'image qu'on a du manga, c'est quand même la violence. C'est l'image première, effectivement, qu'on a du manga. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres images du manga à voir. Parce qu'en fait, je pense aussi que le manga est le reflet de la société dans laquelle on vit. Et les mangaka, donc les auteurs de bandes dessinées japonaises, s'imprègnent complètement de leur société. Donc des fois, on peut avoir des choses qui nous paraissent très violentes, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, on a des choses qui sont très violentes et qui nous choquent peut-être pas autant. Donc c'est ce reflet qu'ils essaient, je pense, hein, Julien, de nous retransmettre à leur façon, peut-être en exacerbant un petit peu les côtés, mais... Alors, dans le dessin aussi, il y a des différences flagrantes. Hein. C'est-à-dire qu'on a des styles très épurés, avec des dessins très simplistes. Hein. On peut penser à Goldorak, Candy, puisqu'on dit que ce sont les premiers mangas. Et puis, d'autres qui sont beaucoup plus précis, avec un style très élaboré, un espèce de dessin réalisé par petites touches, comme Dispersion, hein, qui est chez Saka, dans votre collection. Et puis, d'autres choses beaucoup plus simples. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les styles aussi dans le manga. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi une particularité au manga qu'on n'a pas forcément, un petit peu en France, mais beaucoup moins, c'est l'utilisation des trames. Les trames, c'est tous ces petits points noirs que vous voyez et qui donnent du relief. Alors les Japonais en sont très très friands. Ils en mettent vraiment partout. Et c'est ce qui donne un petit peu aussi, indépendamment du graphisme bien évidemment, qui donne un petit peu ces différences entre un Dispersion ou un Taniguchi ou un Kaikizen que vous montriez tout à l'heure. Je crois qu'il y a des raisons très concrètes. Hein. On le disait tout à l'heure, les auteurs sont obligés de travailler très très vite, donc ils ont un dessin évidemment plus sommaire. Et puis il y a d'autres auteurs qui travaillent peut-être dans d'autres cadres, travaillent pour des magazines mensuels, donc ont plus de temps pour travailler, etc. Mmh. Donc eux vont aller vers un dessin plus détaillé. Puis il y a des auteurs qui travaillent carrément dans l'underground, si vous voulez, qui travaillent complètement hors de la bande dessinée de masse et qui eux ont des dessins complètement différents. Est-ce qu'il y a des mangaka, puisqu'on les appelle comme ça, français? Ça commence. Ça commence. Julien, ben, moi j'ai tendance à penser que de toute façon mangaka ça veut dire auteur de bande dessinée. Donc, ah d'accord. Donc il y en a plein. En tout cas, mais vu l'ampleur du phénomène, question, il y a de plus en plus de jeunes évidemment qui lisent du manga, qui se passionnent pour le manga et qui donc vont commencer en s'inspirant des bandes dessinées japonaises. On peut dire que ça a ramené les jeunes sur le chemin de la lecture, que ça a contribué à faire que le livre aujourd'hui est le produit culturel préféré des Français. Moi je le pense sincèrement. Hein. Ouais. Alors, il y a énormément de phénomènes autour du manga, et à la rentrée, il y a une école spécialisée qui va ouvrir, l'Eurasiam, avec un cursus équivalent Bac+3, Bac+5, sur les arts d'Asie et du Japon. Vous allez d'ailleurs y enseigner, si mes informations sont bonnes, Julien. Et l'objectif, c'est de former des mangakas français. Alors, il y a deux objectifs dans cette école. Il y a deux cursus. Hein. Il y a un cursus qui est plutôt, je dirais, commercial, parce que on s'aperçoit que dans les relations entre éditeurs français et éditeurs japonais, il manque des intermédiaires. Il manque des gens qui aient une formation et linguistique et culturelle par rapport au Japon, et qui soient capables de travailler entre France et Japon. Donc ça, c'est plutôt commercial. Et il y a une formation artistique, effectivement, c'est de se dire, voilà, il y a un potentiel aujourd'hui de jeunes artistes, de jeunes auteurs, qui sont inspirés par le Japon. Et c'est de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? On va essayer de leur faire les aider à créer une bande dessinée un peu hybride. Merci beaucoup Nadia Gibert et Julien Bastide d'avoir participé à cette émission. On vous laisse toutes les références des ouvrages cités sur notre site internet. Et puis il y a une belle encyclopédie aussi, manga, chez ta chaîne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à Escale Estivale.